Évariste Ndiko Banyanga. Bienvenue en ce journal, l'édition de la mi-journée de ce lundi, le 1er janvier 2018, dont voici d'abord le sommaire. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique dresse le bilan positif dans le domaine sécuritaire au cours de la célébration des fêtes de fin d'année. Pierre Ngourikiye salue le rôle des éléments de la police et les comités mixtes de sécurité. Plus de 2000 prisonniers vont bénéficier de la grâce présidentielle cette année 2018. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, l'a indiqué au cours du discours qu'il a adressé à la nation ce dimanche, le dernier jour de l'année 2017. Et les habitants de Rugombo et Buganda, province de Chibitoke, crient à la réhabilitation des ponts et traversées reliant leur province à l'est de la RDC, ce qui facilitera le commerce transfrontalier avec leurs voisins de l'autre côté de la rivière Rusizi. Albert Ndouayo assure le mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. La situation sécuritaire a été bonne sur tout le territoire national durant la célébration des fêtes de fin de l'année 2017, indique le porte-parole de la police et du ministère de la Sécurité publique. Pierre Ngourikiye signale que quelques cas de bagarres dus à la bière de trop et la pénurie de boissons Braroudi ont été signalés. Pierre Ngourikiye ajoute que la police va continuer à appliquer de telles mesures de sécurité arrêtées durant ces derniers jours de l'année écoulée. On l'écoute. Que ce soit pour la fête de Noël ou alors pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, le pays a été calme, aucun incident sécuritaire majeur a signalé. Donc les mesures de sécurité qui avaient été prises par le ministère de la Sécurité publique ont porté des fruits qui étaient escomptés. Et nous comptons poursuivre dans ce sens par le renforcement de la sécurité sur tout le territoire de la République du Burundi. Le bilan que vous dressez aujourd'hui est dû à la sécurisation de la capitale et ses environs. C'est dû à la sécurisation de la capitale et ses environs, mais aussi de tout le pays. Mais c'est dû aussi à l'implication de la population, notamment à travers les comités mixtes de sécurité. Vraiment, tout le pays est calme. Pour cette nuit, par exemple, le réveillon de la Saint-Sylvestre, quand vous vous promenez vous-même, vous constatez que le seul problème que les gens ont, c'est le manque des boissons de la Braroudi. Alors, des fois, il y a des gens qui se battent par des bouteilles de bière. Et ce n'est que ces petits incidents qu'on peut remarquer. Sinon, au niveau sécuritaire, tout est au bon fixe. Plus d'un peut se demander pourquoi de telles mesures de sécurité sont arrêtées pendant les fêtes de fin d'année. Normalement, avec ces fêtes de fin d'année, la situation sécuritaire, il y a des crimes qui se commettent. Et c'est pourquoi on prend des mesures sécuritaires particulières pour pouvoir aider la population à célébrer ces fêtes. Mais ces mesures vont continuer à être mises en œuvre, mais adaptées à la situation qui sera en vigueur. C'était Pierre Ngourikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Je vous le dis en titre, plus de 2000 prisonniers seront graciés au cours de l'année 2018. Cela ressort du discours à la nation à l'occasion de la clôture de l'année 2017. Le président Bondé précise que parmi ses bénéficiaires de la grâce présidentielle figurent les femmes enceintes et allaitantes, les prisonniers qui ont déjà purgé la moitié de leur peine. Suivez le président du Burundi, Pierre Ngourikiye, dans la traduction française avec Placide Niyomungere. Dans le souci de garantir la paix et la dignité de la personne humaine dans tout le pays, vu l'article 113 de la Constitution, seront bénéficiaires de la grâce présidentielle les prisonniers dont la peine n'excède que 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, ceux vivant avec handicap évident, ceux qui ont déjà purgé la moitié de leur peine, et d'autres compte tenu de la gravité de leur chef d'accusation et conduite dans les lieux de détention. Via cette grâce, plus de 2000 prisonniers seront libres. Nous leur demandons d'éviter toute chose qui pourrait encore une fois les compromettre. Et l'Association pour la défense des prisonniers Ntabariza salue l'initiative du président de la République de gracier plus de 2000 prisonniers. Le représentant légal de cette association demande à ces prisonniers bénéficiaires de bien se comporter dans leur intégration sociale. Le président burundais donne aussi le bilan des marchandises saisies au cours des opérations contre le commerce frauduleux, parmi lesquelles les minerais et les boissons prohibées. Le président Pierre Nkurunziza Kinshasa indiquent que ces prises ont été le résultat des administratifs et les forces de sécurité. Encore une fois, le président Pierre Nkurunziza. Les administratifs et les forces de sécurité ont lutté sérieusement contre le commerce frauduleux des minerais, d'où la saisie de plus de 19 tonnes de coltan, 1,5 tonnes de cassitérite, 7,5 tonnes de nickel, 77 tonnes de café, des tonnes de sucre, 71 tonnes de sacs d'engrais chimiques ont été également saisies, et plus de 700 ml de boissons prohibées ont été saisies et versées. C'était le président de la République traduit par Placide Niyongere. Une courte pause. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rendons-nous en province Chibitoke pour parler le commerce transfrontalier. Le pont reliant la province Chibitoke à la République démocratique du Congo par la commune Buganda, détruit en 1964, nécessite d'être reconstruit. Point de vue du conseiller du gouverneur de cette province, Ruben Tubirabe, estime que ce pont serait d'une grande importance pour cette contrée. Suivez, il est au micro de Charles Makoto. Il y aura un apport très important au développement de la province. D'abord, la province sera fréquentée par beaucoup de monde parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de traverser la rivière Oise à partir en utilisant des pirogues. Si le pont est construit et réhabilité, vous comprendrez mieux que moi que beaucoup de gens vont emprunter cette route. Il y aura échange commercial. Il y a des engins roues, donc c'est des camions, des remorques qui pourront passer là. Donc la commune ou la province, la commune voisine de la RDC va en profiter. La province va en profiter. Nos hôtels vont avoir des clients qui vont passer la nuit. Donc sur le plan économique, nous constatons qu'une fois le pont réhabilité, qu'il y aura un apport très important au niveau de l'économie de notre province et de notre pays. Quittons Chibitoke pour le sud du pays, cette fois-ci dans la province de Bururi, où la fréquentation gratuite des eaux thermales de Mouyang en commune et province de Bururi, telle que voulue par les gens des environs, n'est pas possible. Ceux qui réhabitent ce site disent que l'argent doit être disponible pour l'entretien du site. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Selon certains riverains du site touristique des eaux thermales de Mouyang en commune Bururi, ces eaux sont un don divin et par conséquent, il serait injuste qu'il y paie de l'argent pour y accéder. Pour eux, seuls les visiteurs devraient payer. D'autres estiment à au plus 500 francs burundais par personne le droit d'accès. Pour Jérôme Nishishikare, responsable de l'aménagement et de la protection de la réserve naturelle forestière de Bururi et qui supervise la réhabilitation de ce site, les habitants des environs plus nombreux à y fréquenter devront payer, mais une somme abordable par rapport aux autres n'offre que pour la maintenance de ces infrastructures. Avoir toutes les infrastructures qui se trouvent ont besoin d'être bien maintenus. Alors, la maintenance nécessite des moyens financiers, de l'argent. Alors, dire que ces gens peuvent fréquenter gratuitement, vraiment, nous ne pouvons pas réussir. Dire que nous pouvons faire payer seulement les gens qui viennent de louer, je pense que les études que nous avons faites nous ont montré que les gens qui fréquentent beaucoup les eaux thermales sont déjà des environs. Les locaux, et les gens des collines tout autour des eaux thermales. C'est-à-dire qu'une fois si la décision dise qu'on va faire payer seulement les gens de louer, c'est-à-dire que les gens de louer sont très peu qui fréquentent le lieu. Je pense qu'à mon avis, même si on n'a pas encore pris la décision finale, parce que la décision finale va être prise par l'organisme OBP avec d'autres gens qui sont concernés par la gestion des eaux thermales, notamment la commune. Je pense que, à mon avis, je pense que les gens très proches, les locaux, vont peut-être payer, mais vraiment très peu comparativement aux gens qui viennent de Loué. C'est ça ce que je peux dire à ce moment-là, mais je pense que la décision va être prise après que l'OBP avait. De son côté, Leonidas Nzigima, responsable des aires protégées dans le sud du Burundi, fait savoir que de par leur droit d'usage, les riverains de ce site en réhabilitation après une trentaine d'années qu'elle était presque détruite, auront quelques heures de fréquentation gratuite au-delà desquelles ils devront payer une somme qui sera fixée par la commune et le BPI. Jean-Pierre Misago, depuis le site touristique des eaux thermales de Muyange, en commune Bururi, pour la radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago, mais vous nous excuserez de ces imperfections qui se trouvent dans cet élément. Retour sur Chibitoke, la population du secteur Midouha en zone commune Rugombo demande que la traversée sur la Rusizi qui lie cette localité à la République démocratique du Congo soit rouverte. Selon elle, cela pourrait faciliter les échanges commerciaux et améliorer les conditions de vie de la population. Au sein de l'administration en province de Chibitoke, l'on indique que cette traversée a été fermée pour des raisons de sécurité et de lutte contre la fraude, mais que cette population peut se servir des traversées voisines. Le reportage avec Charles Makoto. La localité de Midouha se trouve sur la rive de la rivière Rusizi, sur la deuxième transversale de Rukana 2, en zone commune Rugombo. De l'autre côté de la rivière qui sépare au Burundi et la République démocratique du Congo, se trouve la localité de Gatogota. La population de cette localité indique qu'avant la crise de 1993, Midouha était un passage qui facilitait les échanges entre la population des deux pays. Ils demandent la réouverture de cette traversée qui a été fermée selon R en 1994, ce qui réduirait le trajet effectué pour se rendre en RDC. Nous demandons à l'administration de faciliter les échanges avec la RDC. Cela facilitera la population de Rugomero. Ainsi, nous pourrons nous rendre au Congo, faire différents achats comme le maïs et le manioc. Ça serait très avantageux, mais l'administration ne nous facilite pas la tâche. On ne sait pas jusqu'à quand. Celui-ci fait savoir que ce passage de Midouha, une fois fonctionnel, permettrait les échanges des produits vivriers de première nécessité. Ruben Tuirabe, il est conseiller du gouverneur de la province de Chibitoke. Il indique qu'il est difficile de mieux contrôler toutes les traversées au moment où différentes avenues des communes Rugombo et Uganda touchent sur la rivière Rusizi. Il affirme cependant que la fermeture de ce passage de Midouha a été motivée par des raisons de sécurité et de lutte contre la fraude. Toutefois, le conseiller du gouverneur affirme que s'il s'avérait indispensable, cette traversée, si la Rusizi, sera réouverte dans l'intérêt du peuple. Merci à Charles Makot. Ainsi se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique dresse le bilan positif dans le domaine sécuritaire au cours de la célébration des fêtes de fin d'année. Pierre Ngurikiye salue le rôle des éléments de la police et les comités mixtes de sécurité. Et plus de 2000 prisonniers vont bénéficier de la grâce présidentielle cette année 2018. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza l'a annoncé au cours du discours qu'il a adressé à la nation ce dimanche, le dernier jour de l'année 2017. Et les habitants de Rugombo et Uganda, en province de Chibitoke, crient à la réhabilitation des ponts et à réouverture des traversées reliant leur province de l'Est à l'Est de la RDC, ce qui facilitera le commerce transfrontalier avec leurs voisins de l'autre côté de la rivière Rusizi. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Albert Ndouaï pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Evariste Ndikoumanyanga. Nous vous souhaitons un bon après-midi.